échecs. On accepte confiance, c'est ça. Dans n'importe quel sport, aussitôt que tu commences à avoir l'avantage, il faut que tu restes constant, c'est plus difficile. Rester constant jusqu'au bout. Ouais. Tu l'autre. Maintenir l'effort jusqu'au bout, l'effort plus ouais, mais tu remarqueras que l'effort est toujours plus facile quand on est dans un corps, ça c'est dans la nature humaine. Okay. On agit quand on est forcé de le faire. Là, t'as joué le cavalier. Le cavalier est là. Ça fait juste ajouter à son charme, ça fait plus amateur. Satan, excuse. Ça y a du Satan en moi. Tronqué la torsaire. Du Satan. Satan, t'as pas ça. Là, tout d'un coup, là, tu fais une erreur, tu donnes une pièce. Ah, mais là, c'est passé l'avance. T'avais l'avantage. Ouais, mais ça, c'est une des qualités à acquérir aussi, de pas trop tomber en excès de confiance. Parce que ça, c'est un corps de piège bien difficile à se passer. Tu sais?